me cache, plus que mon cash. Je suis comme un loup en cache, quand t'aimes trouve sage. Rockstar, Post Malone, pétard caché dans le salon. Je suis Trinita dans le salon. Sous la pluie elle danse, danse, danse. Et à ma vie elle donne un sens, sens, sens. Il y a ma vie, fonce, fonce, fonce. Et à ma vie elle donne un sens, sens, sens. Vida loca. Presque qu'elle me manque cette époque-là. Blanco Griselda. Puis crave le seum, la coca. Et ça faisait 10 ans que je patinais, waouh. Aujourd'hui bled arrêt platiné, waouh. Pas de nouveaux amis, Rico, Rico, waouh. Ma confiance faut la mériter, waouh. S'il te plaît, dis-moi combien écoute ton cœur mis à moi. Ah, combien se font démasquer par le temps. Elle regarde mon oseille, pas mes yeux quand elle me ment. Yeah. Ma vie, un livre, j'suis connu en Allemagne, mein Liebe. Sur terre, j'suis Zidane, et pour les tuer, j'sors la guitare. J'sors une ou deux mélos, j'rentre un ou deux milli. Un ou deux veulent mon malheur, pour j'ai un 9 milli. Des fois, tout seul, comme au mitard. Des fois, je saigne, mais ça se voit pas. Donc je la fais danser quand ça va pas. Quand ça va pas. Et ça faisait 10 ans que je patinais, waouh. Oh. Aujourd'hui, bled arrêt platiné, waouh. Oh. Pas de nouveaux amis, Rico, Rico, waouh. Oh. Ma confiance, faut la mériter, waouh. Oh.